Pourquoi achetez-vous des tatous ou autres appareils? Bah Gérard, d'après toi, honnêtement d'après toi. Bah mais... Pour se faire joindre. Bah oui, bah d'ailleurs j'ai un numéro de tatou à donner. Ouais, moi aussi. Je crois que tout le monde le connaît. Ah ouais, moi aussi. Alors c'est le 06-01. Je sais pas, c'est bloqué. Ouais, copain. Non. Attends, Patrick, tu peux répéter la jeune. Non, c'est bon. Non, c'est pas Patrick. Non, personne donne ce numéro, ok? 01. Excusez-moi, coupe! Ouais, 06. 82. Plus tard. Alors, attention. C'est bon. Non, c'est bon. Je ne sais pas ce que de toute façon. Excusez-moi, j'ai Monseigneur Gérard. Comment c'est? Monseigneur Gérard, moi je t'emmerde. Y'a pas de Monseigneur, ok? C'est question suivante. Gérard, enchaîne. Alors, à quoi cela vous sert? 81. Celui qui vient de terminer. Bonne nuit. Non, c'est mon numéro. Posez-vous ta question, Gégé. Question suivante. Croyez-vous que pour votre boulot, c'est utile? Bah bien sûr que c'est bien utile. Bien sûr. Ouais, c'est pas de se respecter, Gérard. T'es qu'un ignore, c'est tout. Ouais, toi, tu la fermes, d'accord? Tu vas aller catcher ailleurs. Ouais, bah, toi, déjà, tu fermes ta gueule et après, je verrai. Okay. Alors, répondez-vous au message que vous recevez, oui ou non? Ça dépend des messages. C'est-à-dire? Bah, si c'est par exemple. Des messages d'amour. Moi je suis chez moi, je me parle à la poêle. Vas-y. Tu fais ce que tu veux, allez, on lâche le numéro. Merci Gérard. On est riche. Ta gueule. Ta gueule à toi. 57. Vous fermez vos gueules. 22. Bon. Pose la question. Pensez-vous que ceci a une grande importance pour passer le bac comme il y a une étudiante là? Elle peut peut-être répondre. Non. Ouais. Moi j'ai passé le brevet, on m'en avait prêté un, j'ai eu mon brevet. Génial. Ça t'a aidé? Je ne me rappelais plus de la solution du théorème de Pythagore en fonction de qui est égal à R. Mais arrêtez, vous parlez trop compliqué pour ça. Plus 2, c'est dur pour lui, alors le théorème de Pythagore, faut pas déconner non plus. Non mais déjà, toi tu vas la fermer, c'est pas toi que je m'adresse, c'est celle qui parle, donne son nom s'il te plaît. Alors, quelle couleur est l'être, tatou? Noir. Il est noir, moi. Mais putain, pourquoi tu peux pas le dire? C'est qui t'empêche de le dire? Culé, va. L'enculé, tu sais ce qu'il dit, il t'emmerde. Ouais. Ok, enculé, t'emmerde. C'est qui t'a donné ton tatou? Oui, elle couche sur la question qui nous fait chier, là. Cacahuète. Parce que je t'aime le lundi. Et là, parce que je t'emmène dans un bus. Hé, c'est moi qui pose la question. Dépêche-toi, trou de balle. Ta gueule, toi, va te faire foutre. Eh oh, tu parles autrement à tes auditeurs, hein, Gérard. Tu n'es qu'un imbécile, Gérard. Me balade tout nu. Non, elle est pas courte. On fait la conclusion, on la ferme. Il est vraiment... Il est vraiment...